voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone d'Annie Veilleux. On va ouvrir le bulletin de sport local en parlant d'abord d'Alexandre Gagnon qui a impressionné plusieurs dépisteurs de la Ligue canadienne de football lors des tests d'habileté qui se sont tenus à Montréal la semaine dernière. Même s'il ne sera pas invité au test final de la Ligue canadienne à Regina, Alexandre Gagnon a impressionné plusieurs équipes puisque 5 équipes s'intéressent à lui et selon lui, il a bon espoir d'être repêché par une équipe de la Ligue canadienne de football. Vraiment pas. Il y a 50 places au national dans le fond à Regina, ce qui fait qu'il y a quand même beaucoup de bon espoir qu'il ne peut pas y aller. Puis il y a près d'une centaine de choix au repêchage, donc non, ça ne veut pas dire que je ne vais pas repêcher. Puis mon agent, il pense qu'on a de très bonnes chances d'être repêché quand même. Il y a déjà plusieurs équipes qui ont démontré de l'intérêt d'avoir des pratiques privées avec moi en avril. Je pense que j'ai de très bonnes chances quand même que mon nom sorte le 5 mai prochain. Okay. Et dans un deuxième temps, Alexandre Gagnon mentionne que les Alouettes de Montréal font partie d'une de ces équipes. Oui, justement. Il parle de me changer de position, de me faire jouer comme ailier rapproché, comme tight end, comme on dit en anglais. OK. Il faut que je. Ben, c'est une position que j'avais jouée déjà au cégep, donc ça m'est quand même familier. Je dois juste recommencer à courir des tracés de passe puis à jouer avec des ballons à tous les jours pour avoir des. Parlons maintenant de Marianne Saint-Gelais. Marianne Saint-Gelais qui est en entrevue sur les ondes de DernierRéseauSport.com et elle a remporté 3 médailles d'argent au championnat du monde en fin de semaine aux Pays-Bas et l'athlète de Saint-Félicien est évidemment très très contente de sa performance. Non, c'est une première. Oui, hein? Faut faire attention aussi. Je pense que oui, je suis déçue dans le sens que le titre de championne du monde, c'était mon objectif. Puis c'était aussi quelque chose de réalisable. C'est avec ce que j'ai vu en fin de semaine. Il y a des erreurs que j'ai faites qui m'ont coûté des points importants, je pense, pour justement le cumulatif. Mais ça n'enlève pas le fait que je suis vraiment contente de comment ça s'est passé. Puis de mes 4 titres de vice-championne du monde, là, je suis très contente de ça. Dans un deuxième temps, c'est Marianne est déçue du résultat du relais où l'équipe canadienne a terminé au 5e rang. Elle est vraiment très déçue de ça. C'est des erreurs qu'on a fait qu'on n'aurait jamais dû faire rendu ce qu'on est rendu en termes d'expérience, en termes de préparation. C'est un gros événement, les championnats du monde. C'est un dernier gros test qu'on avait avant les Jeux, puis on a échoué. Fait que moi j'ai trouvé ça difficile à prendre, puis encore maintenant je pense que je vais l'avoir sous le cœur encore un peu ce relais là, mais c'est ça, c'est une épreuve d'équipe, hein. Fait que des fois quand on se lance à la guerre, ben, on est 4 à la guerre en même temps, puis l'erreur de une ben met toute l'équipe dans une position délicate. Au contraire, quand quelqu'un fait un bon coup, par exemple, ça place l'équipe en bonne position. Fait qu'il faut on n'a pas le choix, il faut dealer avec ça, puis il faut jongler avec ces éléments là mais en fin de semaine vraiment on n'a pas bien coursé. Et dans un dernier temps, Marianne Saint-Gelais trouve que sa performance en fin de semaine est de bon augure pour Pyeongchang. C'était un scénario contraire qu'on a eu. Ah, OK. Nous, on est toujours 11 mois par année à l'entraînement. Puis déjà, nous, on commence la glace d'habitude en avril. Là. OK. Fait que c'est vraiment très, très rapide. Là. Puis les sélections sont en nous. Donc, il y a un changement qui a été apporté, mais on a eu plus de repos. On a 4 semaines de repos cette année, chose qu'on n'a jamais eue dans le passé. Okay. Pour être certain que toutes les athlètes passent dans le fond au travers de cette année-là. Okay. Parce que c'est une année qui est longue, qui est exigeante, puis on veut être certain que la tête a eu le temps de décrocher. Parlons maintenant du hockey double lettre. On va vous parler du classement POC sur le site internet classementpoc.com. On retrouve les Rapides de Boumsesni au 7e rang plutôt, et les Hurricanes de Mastouillache occupent le 19e rang. Maintenant, on va parler au niveau midget. Le Marcos Pop de Saint-Félicien trône encore avec le sommet au premier rang et les Ambassadeurs de Spougamau au 26e rang. Et au niveau junior, les Éperviers de Normandais occupent le 31e rang et les Sabres de Roberval, qui ont vu la saison terminée, occupent le 37e rang. Et Ligue de hockey junior régional hier, les Marquis de Jonquière ont gagné 7-1 sur les Aiglons d'Allemagne dans le premier match de la série. J'invite à écouter la section entrevue de DanRadioSport.com. Hier, je me suis entretenu avec le champion du monde, Alex Harvey, de ski de fond. Je me suis également entretenu aussi hier avec Marianne Saint-Gelais, et vous pouvez écouter les autres entrevues dans la section entrevues de DanRadioSport.com. Sport local et régional,